bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Certains noms de villes nous font rêver, ils conduisent à des voyages extraordinaires. C'est le cas avec Vladivostok, à l'extrême-orient de la Russie. Nous embarquons alors dans le Transsibérien pour traverser des paysages grandioses, des paysages glacés, ceux de la Sibérie. L'immensité est inspirante. En chanson, en 2004, c'est l'album de Manu Chao, « Sibérie m'était compté ». Et en 2011, le récit de Sylvain Tesson, « Dans les forêts de Sibérie ». Il commence ainsi. Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés, l'été, des ours sur les berges, bref, le paradis. Souvent, nous aimons la sonorité des mots venus d'une autre langue, des mots dont nous ne comprenons pas grand-chose. Glavnoye ou pravlenye, la guéreille, c'est du russe prononcé à la française, pas facile à prononcer. Mais puisque ces mots se traduisent par « administration principale des camps », nous le réduisons à son acronyme « goulag ». Soudain, le rêve se transforme en cauchemar, le paradis est un enfer. Et dans cette étendue glacée, cette histoire soviétique devient glaçante. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons parlé des âges de l'enfance, des marmots médiévaux à ceux de la Renaissance et des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast, la balade de diffusion. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons au fin fond de la Sibérie, oui, pour évoquer l'extermination glacée et glaçante de millions d'hommes, de femmes, d'enfants dans les goulags, une horreur au cœur de l'histoire soviétique. Avec vous, Patrick Rotman, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, historien, scénariste et documentariste. Vous avez réalisé le documentaire Goulag, une histoire soviétique. Ce sont 3 épisodes, trois films. Ouais. Non, c'est le même film en 3 épisodes. C'est le même film en 3 épisodes, effectivement. Il y a une continuité, voilà. Et qui est diffusé sur Arte, hein, le 11 février. C'est à revoir d'ailleurs, ou à voir dès maintenant, hein, sur le site arte.fr. Et c'est en ligne jusqu'au 10 avril, donc c'est formidable. Arte, on peut aller chercher votre film. Et c'est bien parce que le sujet lui-même est important. Goulag, c'est quelque chose que l'on a dans l'oreille. On l'a croisé dans les programmes scolaires. Vous, Patrick Rotman, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire du XXe siècle. Cette histoire du goulag, telle que vous l'avez appréhendée là, maintenant, aujourd'hui, avec ses archives, vous a-t-elle étonné? Oui, parce que chacun connaît le terme, goulag, cet acronyme, mais en fait, derrière ce terme, derrière ce sigle, on méconnaît la réalité. Et en fait, moi-même, qui ai quand même pas mal travaillé sur tout ça, j'ai été stupéfait de l'ampleur, de l'étendue, de la durée, des nombres de millions de personnes qui sont passées dans ce hachoir à viande, comme l'appelaient eux-mêmes les zec, les prisonniers du goulag. Donc, c'est une découverte, c'est un voyage, en fait, tout au long de ce film, qui n'est pas seulement en Sibérie, d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Le goulag, géographiquement, s'étend à l'ensemble de l'univers soviétique, c'est-à-dire que aux portes de Moscou, on peut évoquer le goulag. D'ailleurs, dans le film, j'ai fait faire un certain nombre de cartes animées par un très très bon graphiste, et on voit que les points noirs des camps sont comme des métastases, comme disait Solzhenitsyn, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un phénomène qui s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres. Pour donner juste une idée, les malheureux qui étaient déportés à la Colima, dont on reparlera peut-être, qui est la région la plus extrême au nord-est de la Sibérie, ils faisaient 2 mois de train pour aller jusqu'à Vladivostok, dont vous parliez tout à l'heure, et ensuite des semaines de bateau pour arriver dans cette région qui est grande comme 3 fois la France et qui était, la Colima, un ensemble concentrationnaire. Donc il faut avoir à l'idée la démesure totale de ce système, de son étendue absolument démentielle. Et évidemment, il faut avoir aussi à l'idée que ce système concentrationnaire soviétique, qui s'est appelé Goulag à partir de 1930, il a duré 40 ans. Voilà, c'est ça, c'est démesuré, vous avez utilisé le mot, hein, Patrick Rothman, l'ampleur de ce système-là, dans l'espace, c'est immense, c'est l'ensemble de ce monde soviétique, et dans le temps. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Emilia Koustova, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, département d'études slaves. Vous portez le regard de scientifique, du savant, sur un objet historique extrêmement contemporain. C'est ça qui est formidable avec ce goulag, c'est qu'il n'est pas oublié parce qu'il est dans les mémoires, il est encore très présent et à la fois, il est complètement occulté. Oui, tout à fait. Vous pointez ce paradoxe de la mémoire du goulag dans la Russie contemporaine, et pas que la Russie. D'autres espaces post-soviétiques partagent cet héritage avec la Russie. Et effectivement, c'est à la fois, on pourrait dire que c'est une mémoire omniprésente par ses traces matérielles, par les traces autres que le goulag et les répressions plus généralement ont laissées sur le corps social, sur la culture soviétique ou russe, et en même temps, c'est une mémoire extrêmement fragile et par ailleurs fragilisée par les politiques gouvernementales. Bien justement, pour commencer cette émission, je vous propose de faire un détour par la fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement. C'est le titre d'un essai de la journaliste Svetlana Alexievitch. Alors, ce texte a été adapté au théâtre par Emmanuel Mérieux. Il est devenu fiction sur France Culture en janvier 2020, donc c'est tout récent, grâce à Alexandre Planck, c'est l'émission Théâtre et compagnie. Nous écoutons un extrait de La fin de l'homme rouge. Ah oui, oui, et je me souviens des années 80, quand ils se sont mis à publier les souvenirs des détenus des goulags. Tout le monde lisait les journaux, on parlait que de ça, et moi je comprends toujours pas pourquoi ça les intéressait autant, ni pourquoi ils étaient étonnés ou bouleversés. C'est normal pour moi tout ça, les détenus, les camps, les tinettes, la zone. Ma mère a été arrêtée en 37 et moi avec, j'avais 4 mois. J'ai grandi dans un camp au Kazakhstan, le Karlag. En hiver, ils entreposaient les bébés morts dans des grands tonneaux. Au printemps, ils les enterraient, enfin ce qu'il en restait. Et les enfants qui survivaient, on nous enlevait à nos mères à l'âge de 3 ans pour nous mettre dans des baraques séparées. J'ai presque pas de souvenirs de ma mère jeune, juste qu'un jour, elle a voulu me donner un bonbon à travers les barbelés. « Tiens, Anya, j'ai un bonbon pour toi. » C'est elle, ma maman. Les soldats l'ont repoussée, elle est tombée par terre et ils l'ont traînée par ses cheveux de l'autre côté des barbelés. Moi, j'étais terrifiée parce que je savais pas du tout ce que c'était un bonbon. Alors, non. La seule image que j'ai de ma mère jeune, c'est ça, c'est des cheveux, c'est des longs cheveux noirs. Témoignage poignant à propos du goulag. Donc, c'est La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch. Alexievitch, adapté en fiction sur France Culture grâce à Alexandre Plante. Donc, ça a réécouté sur le site internet franceculture.fr. Patrick Rothman, nous sentons que nous sommes sur des questionnements qui sont terrifiants par l'émotion qu'ils portent, d'autant qu'ils sont portés eux-mêmes par des survivants. Vous avez été en quête du témoignage. Le témoignage est là, il est direct. Oui, alors il faut souligner qu'en fait, tous les témoignages qui sont dans ce film n'ont pas été tournés par moi, parce que les survivants, aujourd'hui, il en reste, mais plus beaucoup. Mais ils ont été recueillis par l'association Mémorial, qui a été fondée par Sakharov en 1988. Et cette association Mémorial, qui a pour fonction, pour but de rechercher tout ce qui reste du goulag pour le faire vivre, a filmé des centaines et des centaines de survivants du goulag dans ces années 80-90. Et c'est grâce à ces centaines et ces centaines de témoignages que nous avons pu, Nicolas Werth, qui est conseiller historique de ce film, grand spécialiste de l'histoire du RSS et de l'histoire du Goulag d'ailleurs, les deux étant assez liés, a écouté et a sélectionné une centaine de ces témoignages et que moi-même, j'ai travaillé dessus, et il en reste 32 dans le film. Et ces témoignages, effectivement, sont absolument saisissants. Là, on entendait cette femme qui était née au Goulag. Il y a aussi dans le film une femme qui raconte qu'elle est née au Goulag. Donc ça, c'est par exemple, c'est très très peu connu de savoir qu'il y avait des enfants au Goulag, des milliers d'enfants, et que ces maisons d'enfants, dans des conditions absolument atroces, parce qu'ils étaient séparés de leur mère à l'âge de 2 ans, ces maisons d'enfants étaient des mouroirs. C'est-à-dire qu'il y avait une mortalité absolument terrible. Donc, comme vous le dites, c'est pas simplement des chiffres, des distances, des kilomètres, des millions. On dit, oui, il y a des 20 millions de personnes, mais ce sont à chaque fois des vies qui ont été brisées, des familles qui ont été séparées, des femmes, des hommes, des enfants qui ont subi un traumatisme fondamental. Et donc, il y a effectivement une charge émotionnelle dans le Goulag que j'ai essayé de traduire dans le film, bien entendu, qui est terrible, terrible. Il faut se rendre compte que un soviétique sur 6 a été déporté au Goulag. C'est quand même une... Imaginons la même chose dans la société française, ça représenterait. Donc tout le monde en Russie, enfin en ex-URSS plutôt, a été concerné par le Goulag, a su ce qui se passait au Goulag, a eu sa famille qui a été déportée au Goulag. Et il y a des millions de personnes qui ont vécu ces aubes grises et tristes où le NKVD frappait à la porte, venait rafler les parents qu'on ne revoyait jamais. On disait sans droit au courrier. Sans droit au courrier, ça veut dire qu'ils avaient été liquidés. Voilà, donc c'est une histoire qui est, c'est l'une des grandes tragédies du XXe siècle. C'est une tragédie énorme, et d'ailleurs c'est le sous-titre de l'ouvrage qui est associé à votre film, Patrick Rothman, Goulag, une histoire soviétique, que vous publiez avec Nicolas Vert et François Aimé. Oui. Arte Édition et Le Seuil. Dans cette démarche que vous avez sur le Goulag, vous commencez, et c'est une logique aux origines du Goulag, mais cette origine-là peut nous étonner, car dans notre esprit, souvent le Goulag est associé à Staline, on va dire simplement, donc années 30, 40, 50. Non, vous partez aux origines du Goulag. Quelles sont-elles, Patrick Rothman? Clairement, alors encore une fois, moi, je ne suis que réalisateur. J'ai beaucoup travaillé sur la question, pardon, mais je m'appuie sur l'expertise de Nicolas Vert. Et donc, les premiers camps, concentrationnaire Lager, le nom allemand a été repris, apparaissent dès l'été 1918. La Tchéka, qui est donc la première forme de police politique, est créée en décembre 1917, un mois après la Révolution. Donc, dès 21-22, il y a 200 ou 300 000 prisonniers déjà dans les camps. Donc, le système des camps, il naît là pour, d'une part, éliminer, mettre de côté tout ce qu'on appelle les opposants politiques, les ennemis du peuple. Avec cette catégorie ennemis du peuple, tout le monde y a droit. Donc les socialistes révolutionnaires, ceux qui sont contre, tous ceux qui refusent en fait la dictature du parti bolchevique sont mis dans ces camps. Et par ailleurs, ils créent, là c'est la grande, ils créent des camps de travail pour les droits communs, avec cette idée un peu folle de dire on va faire la rédemption par le travail et en travaillant ces droits communs vont se racheter. On va s'apercevoir, et c'est ça la création du terme goulag et de la chose elle-même en 1930, qu'on va rassembler dans les mêmes camps et droits communs et ce qu'on appelle politique, en sachant que politique, ça va très très vite. Le fameux article 58 qui permet activité contre-révolutionnaire, tout le monde, vous dites qu'il fait le temps est pas beau, que la récolte est pas terrible, article 58, et vous retrouvez au goulag. Et d'ailleurs, c'est sûr que la nature même de l'idéologie, la dictature du prolétariat, donc dès les origines, dès 1917 et la Révolution, permet de mettre en place de telles structures concentrationnaires. Mais le choix n'était pas une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'éliminer tous les opposants. Nous allons écouter un témoignage, celui d'Olga, justement pour faire écho à ce que vous disiez, Patrick Rockman, comment on arrive au goulag? Qui part au goulag? Vous allez voir, c'est un témoignage que vous connaissez bien, puisqu'il est extrait de votre film, Patrick Rockman. Olga Adamova-Sliosberg, également militante communiste, est arrêtée chez elle. Nous avons été arrêtés pour avoir participé au complot visant à tuer Kaganovitch. Kaganovitch, je ne l'avais jamais vu de toute ma vie. Mon fils de 6 ans était assis dans sa chambre. J'entre et je lui dis : « Ne pleure pas, mon chéri, je pars en mission. » Il me répond : « Papa est en mission, maintenant toi aussi. Et si la nounou s'en va en mission, avec qui resterons-nous ?» Un témoignage à propos du goulag dans votre film documentaire, Patrick Rockman, sur le goulag qui va être diffusé sur Arte le 11 février et qu'on peut voir sur arte.fr. Ces témoignages-là sont toujours des destins personnels qui conduisent à la même horreur. C'est-à-dire que pour aller au goulag, il y a plein de chemins différents. Vous l'avez évoqué, ça peut être le crime de droit commun, ça peut être un choix politique réel ou inventé. En fait, il n'y a pas de règles pour aller au goulag. La population du goulag, en fait, elle évolue tout au long de ces 40 ans. C'est pas toujours la même. On peut dire, grosso modo, qu'il y a ce mélange de droit commun et de politique. Mais, par exemple, quand l'Union soviétique annexe une partie de la Pologne à la suite du pacte germano-soviétique en 1939, ou les pays baltes, ou la Bessarabie, etc. Là, il y a des déportations massives de populations entières qui vont dans ce qu'on appelle des villages de peuplement, qui sont, pour aller très vite, à peu près l'équivalent du goulag. Donc, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déportées dans ces régions. Donc, après la guerre, il y a une sorte de criminalisation on est dans une période de pénurie, de disette, de famine, et les gens volent des pommes, de quoi se nourrir, etc. Et là, il y a une explosion, littéralement une explosion du nombre de femmes qui se retrouvent au goulag, puisque dans les années, fin des années 40, vous avez un quart de la population du goulag qui sont des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont essayé de nourrir leur enfant en volant trois pommes, etc. Et donc, on voit bien que cette population mélange des gens très très différents. Et ce que montre le film dans son troisième épisode, c'est que dans cette population des camps, il y a une prééminence des truands, enfin des voyous, et c'est eux qui tiennent en grande partie les camps. Ils font régner une loi qui est peut-être pire que celle des gardes. Ils sont les maîtres du camp, ils volent la nourriture, ils violent les femmes. Ils volent les vêtements, ce qui, dans les régions extrêmement froides, a des conséquences. Donc, non seulement il y a l'enfer carcéral du goulag avec des gardes qui sont là et qui maintiennent une discipline horrible, mais il y a aussi, en plus, les truands qui font régner une forme de terreur à l'intérieur des camps. Voilà. Et donc, c'est une double terreur. Voilà. Cette double terreur crée un monde presque parallèle. Emilia Koustova, je me tourne vers vous. Vous êtes donc maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, département des études slaves. Ce goulag crée un monde particulier avec un vocabulaire particulier, le mot goulag lui-même. Il y a ce mot ZEK, Z-E-K, c'est quoi? C'est déporté? C'est une abréviation? Alors, c'est une abréviation, comme la langue russe en compte un grand nombre. C'est une abréviation qui d'abord désignait les détenus qui travaillaient sur le chantier du canal, puisque le canal qui devait relier la Moscou à la mer Blanche et à la mer Baltique était un des grands chantiers qui sont vraiment à l'origine, ou plus qu'à l'origine, l'origine de tout le système du goulag. Donc c'est un chantier qui se déroule au début des années 30. Et donc au départ, on désigne ainsi ces détenus, qui sont plusieurs dizaines de milliers, et puis on transpose cette abréviation sur le reste de la population carcérale. Et au début, on prononce cela ZK, et il y a même toute une discussion entre deux grands connaisseurs du goulag, Chalamov et Solzhenitsyn, sur la juste prononciation et la juste graphie de ce mot. Mais là, c'est un détail déjà. C'est un détail, mais qui est intéressant. C'est vrai que quand on regarde la documentation des années 1970, on voit apparaître ZK. Il y a un univers très particulier dans ce monde concentrationnaire qu'est le goulag. Patrick Hotman, vous le disiez, il est tenu par des truands. Ce monde concentrationnaire est un monde parallèle à la réalité. Mais tout est construit, tout est réfléchi avec une mise en abîme qui nous donne le vertige, l'impossibilité des autorités de faire vivre cette institution qu'ils ont créée. Ils sont sans cesse en manque. Ils ne peuvent pas donner des vêtements, ils ne peuvent pas donner même les gamelles. Dans les archives, c'est quelque chose qui ressort sans cesse. En fait, ce sont des gens qui sont privés de tout, des gens qui sont laissés à l'abandon. C'est en fait ça, le goulag. Ce n'est pas de l'extermination directe, on les laisse sans rien. Oui, alors là, il faut ajouter quelque chose. C'est que la fonction du goulag, évidemment, est l'élimination, la déportation, la mise à l'écart de la société des ennemis du peuple, avec des guillemets. Il y a une autre fonction qui est fondamentale, c'est la fonction économique dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire que le moment où est créé où apparaît le terme goulag, le moment où la population du goulag va grandir de manière absolument exponentielle, en passant de 5, 10 000 à 500 000, 1 million, etc., c'est le moment où l'Union soviétique, enfin Staline, l'engage dans la construction du socialisme, comme on disait dans le jargon d'époque, l'industrialisation à outrance, et qu'il faut de la main d'œuvre pour construire les canaux, les barrages, rechercher l'or de la Colima, rechercher le charbon à Vorkuta, etc., etc. Et donc, ce sont des centaines de milliers de d'hommes et de femmes totalement esclavagisés. Dans le film, il y a des images qui sont saisissantes, absolument saisissantes, où on voit ces milliers d'hommes qui creusent justement le BBK, le canal, Mer Blanche, Mer Baltique, qui est le premier grand chantier du goulag. Et on voit sur des kilomètres et des kilomètres, avec des plans aériens absolument incroyables, des travelling très très bien filmés. Ce sont des films qui ont été faits par la propagande soviétique pour montrer à quel point les travailleurs se rachetaient par le travail et à quel point ils étaient capables de construire les grandes réalités du communisme. Les grandes réalités du communisme, les grandes réalisations du communisme ont été construites par la main-d'œuvre esclavagisée. Et ces images où on voit ces petites fourmis, ces hommes qui grattent la terre parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mécanisation dans des conditions moyenâgeuses et terribles, sont absolument saisissantes. C'est saisissant effectivement de se rendre compte que l'économie de l'URSS reposait sur ce système concentrationnaire. Un autre extrait de votre film, Patrick Hotman, Goulag, une histoire soviétique, donc sur Arte, justement sur cet aspect de production que représente le goulag. C'est la force musculaire des détenus qui compense l'absence de marteau-pilon. Des méthodes moyenâgeuses qui transforment les détenus en esclaves. Les forçats du canal sont épuisés, malades. 12 000 meurent sur le chantier, soit 10% des effectifs. Les cadavres sont abandonnés dans la neige. Ouvert, cuisinière. À l'approche du printemps, quand la neige se mettait à fondre, les mains, les bras et les têtes apparaissaient juste à côté, à 150 mètres de nous. On voyait tout ça. Ça dépassait de dessous la neige, de la terre. Et les volets de corbeaux volaient au-dessus des cadavres gelés, encore frais, qu'ils venaient picorer. L'horreur du goulag, un petit clin d'œil au médiévisme, parce que c'est vrai que la notion de moyenâgeux évoque cette horreur, mais c'est plus une construction pour montrer l'horreur de la chose, même si au Moyen-Âge, on n'aurait pas traité les gens ainsi, parce que l'idée de production nécessite d'avoir une main-d'œuvre qui survit. Or, dans le goulag, il n'y a pas cette capacité à faire vivre les gens meurent et on renouvelle sans cesse, en fait, parce qu'il faut toujours de nouveaux bras. Oui, bien sûr, c'est la fonction du goulag. La main-d'œuvre est inépuisable. Il suffit de rafler, de ramasser, d'arrêter, de déporter des centaines de milliers qui viennent remplacer dans une noria continuelle, dans un continuum meurtrier, ceux qui meurent, parce que les pertes. Il faut s'imaginer, par exemple, qu'à la Colima, ailleurs, à Vorkuta, à Norilsk, plus tard, on est au-delà du cercle polaire. Il fait nuit 9 mois de l'année. Il fait surtout moins 40, moins 50. Et on demande à des gens qui sont sous-nourris, pas mal habillés, de travailler dans des conditions qui sont dantesques. Vous imaginez, il y en a un des témoins qui raconte dans le film comment ils creusent la terre gelée avec ses mains à la Colima, justement. Chalamov a laissé aussi ses récits de la Colima qui sont extrêmement saisissants. Donc ils travaillent dans des conditions terribles qui entraînent évidemment les maladies, l'épuisement et la mort. Il y a 10 à 15% de mortalité sur les chantiers de goulag. Et donc on renouvelle, on déporte de nouveau, et quand il faut du la main d'œuvre, eh ben elle est inépuisable. Ça c'est un espèce de on a du mal à se rendre compte de cette esclavagisation d'une partie de la population. Et justement, Patrick Hotman, vous venez d'évoquer Varlam Shalamov qui a écrit les récits de la Colima, donc la Colima, hein, cette région complètement orientale, donc des récits écrits entre 1954 et 1973. Un extrait qui nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture par Romain de Bec de Lièvre. Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu'on a été un crevard, un squelette, qu'on a couru dans tous les sens et qu'on a fouillé dans des fosses à ordures. Les prisonniers étaient des ennemis imaginaires et inventés avec lesquels le gouvernement réglait ses comptes, comme avec de véritables ennemis qu'il fusillait, tuait et faisait mourir de faim. La faux mortelle de Staline fauchait tout le monde, sans distinction, en nivelant selon des répartitions, des listes et un plan à réaliser. Il y avait le même pourcentage de vauriens et de lâches parmi les hommes qui ont péri au camp qu'au sein des gens en liberté. Tous étaient des gens pris au hasard, parmi les indifférents, les lâches, les bourgeois et même les bourreaux. Et ils sont devenus des victimes par hasard. C'était l'antichambre de l'horreur, mais ce n'était pas l'horreur. Au contraire, il y régnait un esprit de liberté que tous ressentaient. L'avenir, c'était le camp, et le passé, la prison. C'était un monde déplacé, et le poète le comprenait. Un extrait des récits de la Colima, lu par Romain de Bec de Lièvre, les récits de la Colima de Varlam Shalamov. Ces crevards qui sont évoqués là ont une place énorme dans le film, Patrick Hotman, parce que c'est l'image saisissante, c'est-à-dire c'est presque difficile à imaginer ces gens laissés complètement à l'abandon des autres, à l'abandon d'eux-mêmes, des corps décharnés en train d'essayer de trouver un brin d'herbe pour essayer de se nourrir, des corps tellement oublié que l'homme ou la femme tombe dans la folie. Les images sont terribles parce qu'elles évoquent évidemment, et là nous avons fêté la libération des camps, et elles évoquent évidemment les camps de concentration nazis. Ce sont les mêmes images en fait. Oui, il faut laisser de côté l'extermination des juifs qui est une machine industrielle de mort qui est une à mettre à part dans l'histoire, mais effectivement, dans les camps nazis, camps de concentration. Concentration, oui, c'est important à dire. Pas d'extermination, camps de concentration. Et les camps soviétiques, on peut tout à fait les comparer, ce qui ne veut pas dire les assimiler. Et vous avez raison de souligner que les conditions de survie dans les camps étaient absolument terribles. Pour donner juste un exemple, pendant la guerre, le goulag continue pendant la guerre, bien sûr. On en fait sortir pour aller sur le front, mais pas d'un autre côté, il se remplit avec les populations qu'on arrête dans les territoires de l'Est. Eh ben, le goulag, pendant la guerre, les rations alimentaires s'effondrent. Elles sont déjà pas grosses, c'est rien du tout, c'est juste des rations de survie. pendant la guerre, il n'y a plus rien, donc s'effondre. Et la mortalité au goulag de faim, d'épuisement, maladie, est colossale. Pendant l'hiver 41-42, un quart de la population du goulag meurt. Vous imaginez ce que ça... C'est immense. Et d'ailleurs, Patrick Rothman, on peut évoquer les chiffres, parce que les historiens ont travaillé sur la question, Nicolas Vert, François Aimé. Le bilan, donc, on parle de 20 millions de personnes concernées et le nombre de morts. Alors, on parle de 20 millions si... il faudrait ajouter ces fameux villages de peuplement, oui, etc. Ça fait à peu près 26 millions. Il y a, d'après les chiffres aujourd'hui donnés par mon expert Nicolas Vert, autour de 4 millions de morts. Mais ces 4 millions de morts, évidemment, on ne parle des morts qui sont au goulag. Il n'y a pas dedans, par exemple, les victimes de la famine due à la collectivisation forcée des années 32-33, qui s'élève à 6 millions. Il n'y a pas non plus dans ces morts du goulag les victimes des exécutions de masse secrètes qui ont été faites pendant la Grande Terreur. Dans le film, montre cette circulaire qui a été signée par Guéjoff à la suite d'un bout de papier écrit par Staline demandant l'élimination des ennemis du peuple, où en 16 mois, vous avez 750 000 citoyens soviétiques qui sont exécutés après une parodie de jugement d'une balle dans la nuque. Ils ont photographié ces gens. Je montre dans le film ces images qui défilent de ces visages avant exécution. Je pense que c'est un moment évidemment qui est émotionnellement fort. Il faut aussi évidemment leur rendre image. Mais donc il y a eu des centaines de milliers de morts hors goulag. Le film s'appelle Goulag, mais au-delà, il raconte l'ensemble d'un système répressif, arrestation, déportation, liquidation. Goulag. Justement, Patrick Rothman, nous allons évoquer combien ce monde-là est présent dans la mémoire des Russes, en passant par une chanson de Vladimir Vysotsky. Cette chanson s'appelle Magadan, Magadan donc qui est un lieu de passage, hein, là où se croisait pour la Kolyma. Voilà, l'arrivée pour un village de pêcheurs, et ce sont les déportés du goulag qui en ont fait petit à petit une ville. Aujourd'hui, je crois que c'est une ville de 100 000 habitants qui ont construit la route qui allait aux mines d'or et qui en a appelé d'ailleurs la route des ossements, parce que il y a eu aussi énormément de morts dans la construction. Vladimir Vysotsky qui chante Magadan. Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу, я расскажу тебе про Магадан. Слушай, как я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан, я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Драбадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам, опережая самолеты в югу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан. Vladimir Vysotsky qui chante Magadan. Magadan, ce port maritime de Sibérie orientale par où ont transité des centaines de milliers de déportés. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec à la technique Morgane Danan, nous nous intéressons au goulag. Le goulag, une histoire soviétique, une histoire noire de ce 20e siècle, avec des échos contemporains qui nous intéressent aujourd'hui encore. Emilia Kustova, cette période de 40 ans, c'est très long, marque évidemment, elle marque les mémoires. Quel en est l'état aujourd'hui dans les mémoires? Est-ce que le goulag est quelque chose de connu des Russes eux-mêmes? Alors, toujours difficile de répondre à une question, qu'est-ce que les autres savent, qu'est-ce que nous, on sait. Il y a des chiffres, il y a des sondages qui valent ce qu'ils valent, qui disent que, par exemple, l'année dernière, presque la moitié de jeunes interrogés, jeunes de entre 18 et 24 ans, disaient qu'ils ne savaient rien des répressions staliniennes. Voilà, ils ne connaissent pas l'existence du goulag, ils ne connaissent pas l'histoire des répressions staliniennes. Et puis, quand on creuse un peu plus et qu'on poursuit un sondage, on découvre que, par exemple, à peu près la moitié d'interrogés, quel que soit leur âge, dit avoir de la sympathie pour Staline. Et si on pose la question de savoir quel est le rôle joué par Staline dans l'histoire nationale ou mondiale, encore 20%, donc 70% en tout, disent que ce rôle est positif. Ces chiffres sont bouleversants. Et évidemment, beaucoup d'historiens ou sociologues ont cherché à les comprendre. Et je pense que là, il faut distinguer deux ou trois choses. Il y a d'une part, effectivement, une ignorance due à la faible présence de l'histoire du goulag ou des répressions dans les manuels, dans les programmes scolaires. Voilà, il n'y a pas de journée de commémoration qui serait vraiment présente dans les écoles, etc., etc. Donc là, c'est un fait. Et bien entendu, une volonté politique ou le manque de telle volonté explique en partie cette ignorance. Mais d'autre part, il y a aussi cette justification de l'action stalinienne, qui peut prendre différentes formes, être plus ou moins radicale. On trouve ceux qui vont dire que les répressions ont touché des coupables, ou presque tous étaient plus ou moins coupables, et puis il y a des positions moins radicales, mais qui vont quand même justifier, au final, les répressions et l'existence du goulag par le besoin de moderniser, d'industrialiser, de gagner la guerre, etc., etc. Et donc c'est là qu'on retrouve ces 70%, chiffres terribles, qui disent que finalement le rôle de Staline a été positif. Et bien entendu, on a déjà évoqué la guerre. La guerre est un élément crucial qui permet de justifier et de comprendre cette fascination encore pour le stalinisme, puisque, et cette guerre, ce culte de la guerre, seconde et surtout de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, appelée en URSS puis en Russie la Grande Guerre patriotique, ce culte a été déjà très présent à l'époque soviétique, surtout à partir des années 60. Il a en quelque sorte remplacé le culte de Staline et il a été très fortement alimenté, renforcé par Vladimir Poutine depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Nous comprenons très bien que du temps où le Parti communiste contrôlait l'ensemble du pays, le goulag n'allait pas avoir de publicité. Malgré tout, nous savons nous-mêmes, vu de l'Occident, que le goulag était un sujet d'actualité, et notamment avec une figure majeure. Cette figure, c'est celle de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn est son archipel du goulag, 1918-1956, essai d'investigation littéraire, c'est le titre complet, un ouvrage paru en France en 1973, et donc Solzhenitsyn lui-même parlait dans les dossiers de l'écran, c'était en mars 1976. Dans ce torrent de plusieurs millions d'hommes, je ne considère pas que je suis une victime tout à fait innocente d'après l'échelle de cette époque-là. En réalité, au moment de mon arrestation, je suis arrivé à avoir une opinion tout à fait destructrice de Staline, et même avec mon ami qui a partagé mon sort, nous avons signé un document en commun sur la nécessité de modifier l'appareil gouvernemental soviétique. Je ne me suis jamais senti véritablement arrêté comme un innocent. Mais quand j'ai été dans ce torrent, j'ai été frappé que le torrent, lui, était constitué d'innocents, que les gens avaient été envoyés vraiment pour rien, vraiment pour absolument rien. Solzhenitsyn qui se demande ce qu'il fait dans ce torrent de plusieurs millions d'hommes. Solzhenitsyn en 1976, pour contextualiser toujours pour les personnages, surtout qu'un personnage comme Solzhenitsyn. Dites-nous, Emilia Koustova, l'archipel du Goulag, donc l'ouvrage de Solzhenitsyn, est enseigné à l'école en Russie. Tout à fait. Il fait partie du programme scolaire. C'est d'ailleurs assez étonnant, mais il faut après s'intéresser à toute la trajectoire intellectuelle et politique et idéologique de Solzhenitsyn à partir partir des années 80 et sa présence très forte dans la en Russie à partir des années 90. Il retourne vivre en Russie. Il critique de façon de plus en plus violente l'Occident, les États-Unis où il avait vécu, etc. Donc c'est une figure tout à fait centrale dans le discours officiel russe aujourd'hui, d'où je pense le maintien de son œuvre au programme, même sachant que c'est une œuvre difficile et que voilà. Et je pense qu'il y a, il faut évoquer. Vous avez parlé de la publication de l'archipel du Goulag en Occident, l'effet que ça a produit bien sûr sur le public occidental. Mais si on regarde du côté soviétique, il faut évoquer une autre œuvre magistrale d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est Une journée d'Ivan Denisovitch, paru en 1962. C'est vraiment comme le chant de cygne du dégel mené par Khrushchev. C'est une œuvre qui paraît malgré des obstacles, malgré la résistance. Donc c'est vraiment en soi, c'est un événement majeur. Et cette publication, je pense qu'elle change vraiment beaucoup dans les têtes de soviétiques. Et ça initie notamment la rédaction des mémoires, de témoignages par des centaines d'anciens détenus qui rédigent, comme on dit en russe, stall, pour le garder dans le tiroir, au fond du tiroir de leur bureau, et d'autres les envoient à Solzhenitsyn. Et c'est cette production-là qui va nourrir son œuvre suivante, qui est donc l'archipel du Goulag. Emilia Kustova, vous avez raison de le souligner, il y a énormément de témoignages, il y a beaucoup d'écrits. Et c'est vrai que pour vous, Patrick Rothman, quand vous vous emparez de ce sujet terrible qu'est le Goulag, vous bénéficiez de ces témoignages, de ces écrits, des études des historiens comme Nicolas Werth, et d'images et d'archives. Quelles sont ces archives? Est-ce qu'elles ont été faciles à consulter et puis à exploiter? Il y a différentes sources d'images dans le film. Il y en a qui sont assez classiques, qui sont les images des actualités soviétiques sur ces 40 années. Donc on voit les images de Staline, des congrès, de la nomenklatura, de Moscou, de la vie quotidienne, etc. Toutes les images sur les camps, sur le goulag, sur les grands chantiers, sont des images tournées par les autorités soviétiques. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des images de propagande. Bon, dans le but, dans les années 30 principalement, de montrer à quel point on pouvait rééduquer ces scélérats qui nuisaient à la société communiste. Voilà. Et donc, ils ont tourné ces images. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'elles sont absolument incroyables, elles sont formidables. Mais ce qui est très étonnant dans ces images de propagande, c'est que pour moi, elles sont aussi des images de contre-propagande. Parce que, et en fait, dans la réalisation de ce film, je les ai retournées d'une certaine manière pour montrer que, au-delà de l'exaltation de ces grands travaux, ben il y avait des millions d'hommes qui souffraient dans ces grands travaux. Et quand on voit les images tournées par la propagande du NKVD, du KGB, de ce qu'on veut dans ces années-là, on voit ces hommes, ces femmes, au visage complètement exténué, les yeux vides, dans le désespoir le plus total, et ces visages qui assistent à des spectacles qu'on leur offre sur la construction du canal avec la musique, les orchestres, etc. Mais on voit qu'ils sont ailleurs, ils sont dans un au-delà, ils sont dans un désespoir absolu. Et du coup, j'ai utilisé évidemment ces contre-champs de propagande pour montrer à quel point c'était justement de la propagande. Alors ça, c'est ces images-là, évidemment, voilà. Mais il y a par ailleurs dans le film l'utilisation de beaucoup de matériel qui a été recueilli par cette association mémoriale dont je parlais tout à l'heure pour les témoignages, mais qui ont aussi recueilli les photos. Par exemple, il y a un déporté, une histoire formidable, extraordinaire, un chef de la résistance polonaise contre les nazis, arrêté par les nazis, qui s'évade. Il est arrêté par les Russes quand les Russes arrivent en 44-45. Il est déporté à Vorkuta. Vous vous rendez compte de la trajectoire de cet homme. Il va fabriquer un appareil photo clandestinement et il prend des photos à Vorkuta, photos qu'on voit dans le film et qui sont absolument incroyables. Et juste pour l'anecdote, mais cet homme, quand il est libéré, en 56 quand même, 12 ans après, il fait du patin à glace devant le camp de Vorkuta où il a été entraîné, donc où il a été enfermé. Voilà. Donc il y a ces photos, il y a des dessins, il y a des peintures. Il y a même une sorte de bande dessinée au goulag qui a été faite par une femme qui avait qui a passé 10-12 ans à travers des dizaines de camps et qui raconte ce qu'elle avait connu. Il y a des dessins qui ont été faits par un gardien qui sont absolument terribles, horribles. Je me demandais si je pouvais les montrer à l'écran. Toujours une question qu'on se pose, jusqu'où on peut aller dans ce qu'on montre. Donc il y a une variété de documents. Il y a des documents aussi. Je parlais tout à l'heure de ce mot griffonné par Staline sur un bout de papier qui va entraîner la mort de 750 000 personnes. Il y a ces documents, cette fameuse circulaire. Voilà, tout ça, ce sont du matériel. Je parle aussi des photos de ces condamnés qui ont été exécutés sans jugement, pratiquement. Voilà, tout ça, je m'en suis servi pour donner le plus possible à voir, parce que c'était un film. Aux spectateurs. Et puis avec le décryptage nécessaire que vous offrez, Patrick Rothman, hein, avec Nicolas Werth, François Aimé également, dans le décryptage de ces images de propagande. Et justement, Emilia Koustova, un tel film, celui que propose Patrick Rothman, un goulag, une histoire soviétique, serait-il diffusable en Russie aujourd'hui? Il y a tout un discours qui relie Vladimir Poutine à une forme d'autorité évidente et même au goulag. Le goulag n'a pas disparu, mais il s'est transformé. Alors, serait-il diffusable? Je pense que sur des chaînes centrales, non. C'est un des paradoxes de la Russie contemporaine. En voulant, vous trouvez dans la langue russe et publier en Russie quasiment tout, sauf peut-être une critique directe et violente de Vladimir Poutine. Mais vous pouvez écouter une radio qui reste encore une radio assez contestataire, de l'écho de Moscou. Vous pouvez lire la Novaya Gazeta. Voilà, il y a des médias. Donc on peut tout à fait imaginer une diffusion de ce film par l'intermédiaire de ces médias. Il y a eu d'ailleurs récemment en Russie la diffusion sur YouTube d'un autre film d'une toute autre nature, d'un tout autre format, donc un reportage sur la Kolyma filmé par un blogueur à la mode. C'est un phénomène culturel en soi saisissant. Donc c'est un jeune qui s'est surtout illustré par ses entretiens avec des sportifs, des stars du rap, etc. Yuri Doud. Voilà, tout à fait, Yuri Doud. Donc, il a fait, au printemps 2019, il a fait un film de presque 2 heures sur la traversée de la Kolyma et les rencontres avec les anciens zèques, avec ceux qui cherchent à conserver cette mémoire là-bas. Et donc, ce film a été visionné 15 millions de fois. Voilà. Mais à côté, vous avez l'ignorance, la négation et une volonté clairement de tourner la page pour écrire des pages plus glorieuses de l'histoire russe. Sachant que si on règle pas ces questions de mémoire, on est condamné à ne pas pouvoir construire un avenir. Exactement. Et on le vit déjà pour une deuxième ou troisième fois depuis le dégel de Khrushchev. Merci beaucoup, Emilia Koustova. Merci beaucoup, Patrick Rothman. Merci. Je rappelle, votre film Goulag, une histoire soviétique, c'est en direct, sur Arte le 11 février, mais c'est à revoir sur le site arte.fr jusqu'en avril. Et ça vaut le coup parce que c'est un voyage sombre, glaçant et sinistre, mais un voyage nécessaire pour comprendre l'histoire soviétique. Goulag, une histoire soviétique, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage qui est associé à votre film. Merci à tous les deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, dans le journal de l'histoire, l'accès aux archives, une question d'actualité. Un très bref papier paru dans Ouest France le 1er février m'avait mis la puce à l'oreille. L'article titré « Les historiens n'ont plus accès aux archives de 39-45, leurs travaux sont menacés » annonçait la fermeture des archives de la Défense et une menace sur la bonne santé de notre démocratie, sans plus de détails. Le quotidien avait titré un peu trop radicalement sur ces blocages « Les archives ne ferment pas, mais la communication se complique ». Ces difficultés d'accès sont bientôt relayées par un long poste de Sébastien Albertelli, spécialiste des services secrets sous De Gaulle sur Facebook, qui explique cette fois comment son travail de recherche accompli ne serait plus envisageable aujourd'hui et alerte du risque sur les recherches en cours et à venir. Alors que s'est-il passé ? Les politiques au pouvoir affichent pourtant depuis 20 ans une volonté d'ouverture des archives. François Hollande avec la Deuxième Guerre mondiale, Emmanuel Macron avec la guerre d'Algérie. Tout gouvernement se doit d'ouvrir un pan de l'histoire nationale supplémentaire par les archives. Et le bal est ouvert en 1997 par Lionel Jospin, qui est alors Premier ministre. Cérémonie du souvenir aujourd'hui à Paris, 55 ans après la rafle du Veldiv. Lionel Jospin a rappelé le devoir de mémoire qui incombe à la République concernant la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Le Premier ministre veut également faciliter l'accès aux archives pour les historiens de cette période trouble. Alors comment expliquer que des documents accessibles jusqu'ici ne le sont plus aujourd'hui ? D'après les professionnels des archives que j'ai contactés, la multiplication des attentats en France a engagé une attention accrue aux risques sur la sécurité nationale qui atteint de nombreux secteurs de la vie de la nation jusqu'aux archives sensibles. Les archives représentent une telle masse en production constante que l'on ne sait pas exactement ce qui s'y trouve. Les ministères versent leurs documents aux archives avec des indications globales sur le contenu, mais sans en faire un inventaire détaillé. Un labyrinthe dont s'emparent les professionnels non sans mal. Par exemple, en 2016, Frédéric Koeckinger, responsable des archives des services spéciaux de la Seconde Guerre mondiale, témoignait de la difficulté de s'emparer des archives de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, productrice par excellence de documents classés secrets. La DGSE avait un système de classement bien à lui, qui est un système de fichage. L'objectif est que les ennemis, entre guillemets, ne puissent pas accéder à ces fonds. Et donc, qui mélangeait tout, et seul, en fait, avait la clé pour accéder aux informations contenues dans ces documents. Une loi votée en 2008 a opéré un déplacement qui va avoir un effet à retardement. Avant, les documents étaient rendus accessibles globalement par période. Après cette loi, ce tri se fait par type de document. Tous les documents du ministère de la Défense classés secrets sont concernés par cette nouvelle restriction, mais ces papiers se trouvent aussi disséminés dans d'autres fonds, puisque la Défense communique avec les autres ministères. C'est la corrélation des politiques de sécurité en lien avec le contexte géopolitique et la réaction tardive du service historique de la Défense au nouveau règlement qui explique donc le retrait de la consultation d'archives classées secrets ou très secrets. Un principe de précaution à retardement qui explique la fermeture de grande ampleur, temporaire mais brutale, d'une partie des archives, notamment pour les périodes de guerre. On peut effectivement parler de blocage pour la recherche en attendant la résolution du problème qui, rappelons-le, est un problème de kilomètres linéaires de documents à évaluer et tamponner pour être résolu. Merci beaucoup Anaïs Kien pour cette mise au point. On retrouve les liens pour aller plus loin sur la page du Journal de l'Histoire, c'est franceculture.fr, et aussi pour retrouver les archives du Journal de l'Histoire qui, elles, sont en accès libre. La semaine prochaine, dans le cours de l'histoire, culture et territoire, l'œuf ou la poule. Et oui, est-ce que c'est la culture qui fait le territoire ou est-ce que c'est le territoire qui fait la culture? Déjà, nous savons qu'il y a un peu des deux. Nous irons fouiller sous nos pieds, voir s'il y a de la culture. Nous irons au musée, nous irons au théâtre. Nous nous demanderons de nos villages au continent, existe-t-il une culture européenne? C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André, Aurélie Lachecard, des émissions à retrouver en ligne franceculture.fr et en balado diffusion.